Mes chers amis, excusez-moi de venir comme ça. Et il est presque 3h20 ici. Juste et le moko et faire sursauter ngai. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe à la présidence? Les jouisseurs à la présidence. Bon, moni makambo ezo leka. Après avoir compromettre Batouke, Bazoui, Clé, la solution, y a Kolia, le président n'a rien à faire à la présidence. Et commis, Koukoule Lombe, Mwana Rwande Lombe, Kanga Kizenge Lombe, Yewana Simaporte Lombe, Aya. Président, zo sala Jacques Obata avant la présidence. Moussa les athées, président, zo sala Moussa, a comme ko sala Moussa la Obata ma. Koukoulou et l'ombe, moi na Rwanda et l'ombe. Kanga Kizenge et l'ombe, yé wana na si ma porte et l'ombe. Mais ça c'est grave. Ça c'est grave. Et ironie, oh Félix Moutabo Lingongo ya oh. Mais après avoir coupé sa fleur, on a commencé à la jeter à Koukoulou et Lombe. Moi, Ezoya, ils appellent anniversaire, il y a deuxième femme, naïe. Au troisième. Troisième femme, naïe. Anniversaire, naïe, moi, Ezoya. Kouna pas que nous sommes à la source Koukoulou et Lombe. Mais, à la tête de notre pays, quand même, communication, il y a Moutou, Oyo et Zaline Dengenini. Mes chers amis. Communication, Zaline Dengenini. Moussa, les athées. Koukoulou et Lombe. Pour Ezraki anniversaire, il y a moi en Rwanda, Nyakeru. Alors, notre national a improvisé Koukoulou et Lombe. Koukoulou et Lombe, Kanga moi en Rwanda et Lombe. Koukoulou et Lombe, moi en Rwanda et Lombe, Kanga Kizenge et Lombe. Kizenge Azawa, Piye, Wana na Simaporte Lombe. Au revoir. Merci. What?